Avec du vieux, peut-on faire du neuf? Nous, on était vieux avant même d'être jeunes. Raison pour laquelle certains dealers de la drogue, cigarettes, speed, coke et d'autres choses dans les poches. Moi, j'ai lu des livres, une vie à assembler. Le savoir est une arme, c'est bien ce qu'il me semblait. Albert Camus donc, devenu un grand frère. Comme les grands de la cité que je voyais par la fenêtre de ma tour, le neuf était devenu belle cour. C'était le soir de la nouvelle année et il faisait déjà jour. La nuit flambait de feux d'artifice et de voitures torches quand j'ai lu Albert Camus. J'essayais de donner un sens à une vie que je ne comprenais pas en allant ce soir-là cambrioler le Suma. Nous avions le regard vitreux à cause de la résine et des spiritueux sous influence de tous ceux qui, avec le sourire, magnifiaient l'hideux quand j'ai lu Albert Camus. J'étais Meursault en jean basket et Sergio Tacchini, condamné parce que je n'avais pas pleuré quand papa était parti. Je cachais les victuailles, fruits des cambriolages sous notre lit à étage. C'est un vide, une famine symbolique que j'essayais de combler à tous les étages quand j'ai lu Albert Camus. Les tragédies furent un lieu commun pour nous, puisque l'air que nous humions depuis la naissance sentait le soufre. Et puis, je suis né dans une fête africaine. C'est un fait, mais cela n'a laissé en moi aucun penchant pour la vanité quand j'ai lu Albert Camus. Au collège, je causais avec l'insouciance des gamins qui ont. Au quartier, je gueulais avec l'inconscience des potes sortis de prison. C'est pas toujours cool que d'être un pont. J'étais moi, littéralement, entre le oui et le non quand j'ai lu Albert Camus. Nos embrouilles furent des essais poétiques et littéraires à cause du romanesque, de la thèse et de l'empathie avec Césaire. Et puis, à cause de notre amitié toute singulière avec le soleil, j'aurais pu déclamer du René Char. C'était la même quand j'ai lu Albert Camus. Nous allions vivre notre vie, mourir ou bien devenir des hommes. Nous allions suivre notre cri, s'éteindre ou bien ne fleurir aucun sol. Peut-on être à la base du changement rongé par la satisfaction ou le ressentiment? J'allais un jour, bien sûr, répondre que non, après avoir lu Albert Camus. Quand on était bien, nous, on disait pas que c'était Byzance, non. Parce qu'on n'avait jamais vu la mer, on disait que c'était Marseille. Ma chambre donne sur la rue principale du Faubourg. L'après-midi était beau, cependant... Le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C'était d'abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nez rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués, cravate rouge, le veston très cintré, avec une pochette brodée, des souliers à bout carré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre, c'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac sortit une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams, tout à l'heure bondés, étaient presque vides. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. Et je déclare les festivités ouvertes. Et oui, ce sera un week-end de fête sur France Culture. Déjà parce qu'aujourd'hui est notre premier jour de retour en studio depuis 3 mois, chers auditeurs. Parce qu'aussi c'est le dernier jour de la grille et que nous sommes déjà en train de préparer la rentrée. Et enfin, et surtout à l'occasion des 60 ans de la mort d'Albert Camus, non pas un festival, mais un estival Albert Camus, qui devait initialement se tenir à Lourmarin, où a vécu le philosophe, et qui se déclinera finalement sur France Culture, à l'initiative de la succession Albert Camus et coproduit par l'association Rencontre Méditerranéenne Albert Camus et donc France Culture. Un week-end entier d'émissions consacrées à Camus jusqu'à dimanche soir, des lectures en public au Théâtre de la Ville, diffusées également sur France Culture. Et c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir ce festival. Abdelmalik, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Moi, je suis heureux d'être là. Le texte que vous avez lu en ouverture d'émission, c'est vous qui l'avez écrit ? Oui, je l'ai écrit. J'avais fait une création autour de l'envers et l'endroit en 2013. On a créé ça au Grand Théâtre d'Aix. et j'avais fait et j'ai fait tout un ensemble de titres inspirés directement de Camus. Et puis on a fait avec ça un spectacle qu'on a tourné sans discontinuer pendant 5 ans. Oui. Et sur le chemin, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Camus, l'art de la révolte, où je reprends ces textes et j'explique mon lien à Camus et pourquoi j'écris et comment j'ai rencontré Camus, etc. Et c'est un ouvrage absolument passionnant. On le trouve aux éditions Fayard. Vous dites dans le texte que vous avez lu que Albert Camus, c'est votre grand frère. Ouais, parce que, en fait, quand je rencontre Camus, j'ai 12 ans à peu près. On lit ça à l'école. Il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, directement, je lis L'envers et l'endroit. Et là, à l'école, c'est L'étranger, c'est l'étranger. Ça? Et on a écouté un extrait d'ailleurs. Exactement. De Camus qui lisait L'étranger. C'est votre première rencontre avec Camus? Ça, c'est la première rencontre. Ça a été, à 12 ans. À 12 ans. Et ensuite, donc il y a un choc. Il se passe quelque chose. Je vais acheter L'envers et l'endroit. Et là, c'est le bouleversement, en fait, la rencontre absolue. Il s'est passé un truc. On rentrera dans les détails si vous voulez ensuite. Mais ouais, avec plaisir. Et ensuite, j'ai lu toute l'œuvre en fait de Camus. Et en fait, en lisant Camus, en rencontrant Camus, c'est comme si je rencontrais un grand de ma cité en fait, et qui me disait, moi déjà à l'époque, j'avais comme ça des envies, des velléités. En fait, je voulais être artiste. Et c'est comme s'il me prenait par la main, il me disait, écoute petit frère, tu veux être artiste. Et ben ça se passe comme ça. Et je l'ai vécu comme ça parce que on vient du même milieu socioculturel finalement. Lui, ah oui, ben oui, lui a grandi à Bellecour dans l'équivalent d'une cité. Moi, j'ai grandi dans une cité. Il a été élevé par une mère seule, moi aussi. C'est des enseignants qui l'ont, comment dire, il a été repéré par des enseignants, moi aussi. Il dit lui-même comme ça que la culture, en substance, que la culture l'a arraché de sa condition, moi aussi. Son rapport à l'école républicaine, etc., etc. Il y avait plein de, une sorte d'effet miroir comme ça, qui faisait que Camus c'était un gars de ma cité, c'est un gars des cités en général. Et c'est intéressant parce que lui-même développe quelque chose où il dit que c'est fondamental pour lui de rester finalement fidèle au sien. Oui. Et moi, il y a cette idée importante qui est fondamentale à la fois dans, j'ai envie de dire, dans le hip-hop de manière générale, dans le rap, etc. Et moi, dans ma philosophie ouais, en tant qu'être, c'est-à-dire toujours d'une certaine manière. Représenter les miens, c'est-à-dire les gens, ce que moi j'appelle les gens de la périphérie, à savoir les gens de la cité, des cités en général, mais aussi les gens des campagnes reculées, les femmes, enfin tous ceux qu'on met en périphérie. Et ben d'une certaine manière, ce sont les miens en fait. Et j'ai l'impression, voilà, c'est une démarche finalement que Camus m'a inculquée d'une certaine manière. Camus grandit à Alger et vous grandissez dans un quartier de Strasbourg qui s'appelle le Neuf. Exactement. Qu'on retrouve souvent dans vos écrits d'ailleurs, y compris dans celui que vous venez de lire. Jusqu'où le parallèle tient-il? Parce que Camus décrit beaucoup sa vie dans la rue, justement, à Bellecour, à Alger, le rapport à la misère, le rapport au soleil, etc. Le Neuf, c'est quand même très différent d'Alger, non? Ouais, mais j'ai envie de dire, tout ça est très, comment dire, tout ça est évidemment très subjectif d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vécu le Neuf, j'ai vécu le soleil alsacien, j'ai vécu les espaces d'eau comme ça où il y avait, je sais pas moi, au lac Achard, ou bien on parlait d'Ilkirch tout à l'heure, enfin le Baguerzé ou des choses comme ça, comme Camus a vécu la mer, a vécu la Méditerranée. Moi j'ai lui il s'est nourri il parle du génie méditerranéen, on va dire ça comme ça, et moi je parle du génie alsacien, ou de la mystique rhénane. Enfin le tout, c'est que j'ai compris que ce qui était essentiel dans Camus finalement, c'était pas tant la forme que le fond. En fait. Et comment vous le qualifiez, ce fond? Ben, ce fond, c'est ce désir d'être, comment dire, que ce qui se passe à l'intérieur soit en cohérence avec ce qui se passe à l'extérieur et vice versa. Cette idée d'être toujours à hauteur d'homme. Cette idée il y a une sorte à la fois de dignité, mais aussi un combat toujours contre toutes les formes d'injustice. Il y a cette idée où l'intelligence, le bon sens, être du côté finalement, toujours être du côté des victimes d'une certaine manière, mais en même temps, ne jamais être ni victime ou bourreau. Tout ça, voilà, pour moi, c'est cette démarche-là. Et j'ai grandi comme ça. Et du coup, ça a façonné ma manière de voir le monde et mon rapport aux autres. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Vous reconnaissez ce texte, imagine Abdelmalik? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est le discours de Suède. C'est un extrait du discours de Suède. C'est, c'est l'un des textes qui est comment dire, voilà, encore, c'est ce genre de texte, j'ai été construit par ce genre. Donc c'est le discours de réception du prix Nobel, exactement, hein, de littérature à Stockholm, le 10 septembre 1957. Exactement. C'est un texte incroyable et qui parle à énormément d'artistes, justement parce que lui-même se qualifie pas tellement comme intellectuel mais comme artiste engagé. Il réfléchit sur ce que c'est que cet engagement. Ouais, mais pour moi, encore une fois, bien sûr, il parle aux artistes, mais j'ai envie de dire chaque être humain d'une certaine manière est un artiste dans le sens où notre œuvre d'art, la vôtre, la mienne, c'est notre chef-d'œuvre, ce qu'on a envie. Ce que devienne notre chef-d'œuvre, c'est notre vie finalement, travailler à ce que notre vie soit notre chef-d'œuvre. Donc en ce sens-là, bien sûr, il parle aux artistes, mais il parle à toutes les femmes et à tous les hommes. Et ce texte est bouleversant parce que pour moi, ça a été aussi avec la préface de L'envers et l'endroit, qui est dans la même dynamique d'une certaine manière. Ça a été pour moi des sortes de viatiques, c'est-à-dire à chaque fois où je me disais à la fois en tant qu'homme, à la fois en tant qu'artiste, je me dis, est-ce que je suis en phase avec moi-même, est-ce que je suis toujours cohérent par rapport, je me replonge ou je me replongeais dans ces textes pour à chaque fois voilà dire ok, on est sur le bon chemin, on continue à être en cohérence par rapport à notre démarche à la fois en tant qu'être humain et artiste. Donc ouais, c'est pour moi, c'est des textes fondamentaux. Quand vous découvrez Camus, donc vous dites, vous lisez L'étranger, vous avez 12 ans, c'est jeune 12 ans d'ailleurs, parce que L'étranger est un texte qu'on lit, qu'on peut lire facilement et qui recèle des choses que peut-être qu'on comprend un peu plus tard, non? C'est ça, il y a plusieurs niveaux, d'une certaine manière, il y a la première approche. Camus, son œuvre en général et L'étranger, de toute façon, je pense que c'est le signe des grands artistes, c'est que il y a plusieurs étapes. On lit pas L'étranger de la même manière à 12 ans qu'à 20 ans, qu'à 25 ans, qu'à 30 ans, qu'à 60 ans. Et c'est fabuleux et on découvre toujours des choses différentes parce que c'est toujours en écho finalement par rapport à soi et par rapport à sa propre vie et son évolution. Mais donc à 12 ans, qu'est-ce qui vous parle? C'est le statut de l'étranger? C'est cet homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère? C'est quoi? Ouais, en réalité, ce qui me parle, c'est l'honnêteté de Meursault. C'est jusqu'où peut-on être honnête, en fait? Est-ce que Meursault ne ment pas, et c'est incroyable quand donc c'est le narrateur, hein, Meursault. Ouais, Meursault, c'est le narrateur, et quand on vit comme moi dans la cité où on doit se débrouiller, on doit mentir tout le temps, en fait, pour pouvoir survivre d'une certaine manière. On ment à tout le monde, ou en tout cas on arrange un peu la vérité pour survivre d'une certaine manière, et on se retrouve confronté à un type, à un monsieur qui lui ne ment pas jamais, et c'est étonnant jusqu'où ça le mène. Et c'est ça, moi, qui m'a, à 12 ans, c'est ce qui m'a marqué, en fait. Et ensuite, bon, après il y a d'autres choses quand j'ai relu et puis encore en grandissant, etc. Mais voilà, la première des choses qui m'a marqué à l'enfant de 12 ans que j'étais, au jeune garçon de 12 ans, c'est ça: quelqu'un qui ne ment pas. C'est incroyable, une sorte d'honnêteté absolue qui l'amène à la mort d'une certaine manière, véritablement. Donc c'est incroyable. Et ça tranchait à ce point avec votre environnement, parce que vous décrivez l'environnement de la cité où tout le monde mentait et tout, mais il y a quand même des gens honnêtes partout, j'imagine. Non, je parle pas de cette comment dire, c'est plus complexe quand je dis tout le monde ment, ou quand je dis tout le monde ment, c'est-à-dire c'est les petits arrangements pour je dis dans la cité, mais dans le monde, j'ai envie de dire. Oui, c'est ces arrangements. Et Camus comment dire, dresse le portrait de quelqu'un, d'un personnage qui finalement lui ne ment pas, décide, en fait, c'est même pas qu'il décide, c'est viscéral, il ne peut pas mentir, et c'est pour ça qu'il ne pleure pas, il a pas envie de pleurer, il pleure pas. Oui, parce que Meursault, le jour de l'enterrement de sa mère, ouais, ne verse pas une larme. Il verse pas une larme. Et les gens lui en veulent. Ils disent, mais c'est très étrange, ça veut dire qu'il est pas triste, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'en veut pas tout de suite. Au début, on le comprend même. Le directeur de la maison de retraite, comprend, mais c'est ensuite, au jugement, lorsqu'il se fait juger, on lui reproche presque plus pourquoi il n'a pas pleuré que le fait du meurtre qui a été commis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment la société juge ceux qui ne mentent pas, justement. Juge les gens qui sont honnêtes jusqu'à la fin. Alors, avec cette complexité qui est que dans L'étranger, justement, il ne ment pas, mais il n'arrive pas à expliquer son acte. Parce que ce qui se passe quand même, c'est qu'à un moment, il se retrouve sur la plage. Si, il explique. Alors, racontez-le à votre façon. Non, c'est pas à ma façon, il explique. Il dit le soleil le gênait. Ouais. Et pour finalement changer de position, et ben en fait, là, parce que il faut savoir, en face de lui, il y a un homme, d'accord? Il y a un homme qui est appelé l'arabe. Donc, il tient un couteau. Ce couteau reflète le soleil. Le soleil qui ensuite se reflète sur les yeux de Meursault. Et Meursault a ce pistolet dans la poche. Et ce soleil... L'aveugle. L'aveugle. Et pour changer de position, il tire. Et en fait, en tirant, la lame se baisse, il n'y a plus de soleil. Et voilà, il est plus gêné par le soleil. Donc il explique, il a tiré. Mais il a tué entre-temps. Et entre-temps, il tue un homme. Et quand il explique ça à la cour, donc les gens sont morts de rire en disant « Mais c'est vrai, en fait. » Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a ce pistolet, il s'est retrouvé là, il y a le soleil, le reflet du soleil, il tire, le soleil ne le gêne plus, et puis voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Et je trouve, et non seulement dans ses actes, mais comment l'histoire est racontée. Et c'est une sorte de je vais pas dire une voix blanche, parce qu'on a dit souvent là, ou le mini, mais non, mais c'est raconté d'une manière qui est en cohérence avec presque, j'ai envie de dire, l'état psychologique ou du personnage de Meursault. Et c'est hyper intéressant parce que en creux, cette idée rapport à l'honnêteté et à la cohérence, finalement, c'est Camus lui-même. Et Camus s'est toujours défendu d'être Meursault. Il n'est pas Meursault. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas mentir. C'est quelqu'un qui veut être, qui veut être en cohérence avec les idées qu'il défend et la manière dont il vit sa vie. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Et pour moi, ça a été, cette idée de la cohérence, cette idée pour moi, c'est une forme de justesse dans le comportement. Et dans justesse, il y a justice. Donc, d'une certaine manière, il rend justice à l'être humain. Et comment vous arrivez à mesurer l'apport de Camus dans votre propre vie? Parce que ce que vous dites, c'est pas simplement une rencontre qui est forte, c'est comme vous employez l'image dans votre livre, un miroir finalement. Vous vous dites, mais je peux lui ressembler ou il me ressemble. Est-ce que vous vous dites, est-ce que ça a changé votre manière de vivre véritablement? Ben, ou ça l'a confirmé, vous a encouragé? Vous savez, c'est comme si je vous demandais à vous, pourquoi vous faites de la philosophie? Et ben, vous allez me dire, il s'est passé telle chose, il y a eu telle rencontre, il y a eu telle chose, et finalement, ça a changé la trajectoire de votre vie. C'est bien pour ça que je vous pose cette question. Et, ben, et moi, je vous réponds de cette manière. Et parce que c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, mais en réalité, c'est vrai pour nous tous. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rencontre, il y a une rencontre. Et c'est en ce sens-là où mon idée, enfin, ce que je répète assez souvent, c'est que je dis que nous autres artistes, on est hyper importants parce que, tel jeune a rencontré Bob Dylan dans sa vie et ça a bouleversé sa vie. Tel autre a rencontré Nas et ça a bouleversé sa vie, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous autres, on travaille directement les imaginaires, la représentation, etc. Donc quand on voit quelqu'un comme Camus qui vient de l'équivalent d'une cité, qui a vécu les choses que moi-même j'ai vécues et qui devient prix Nobel, ensuite on se dit qu'il y a des possibilités. Mmh. Et encore plus lorsque Camus arrive à Paris et il est confronté à l'intelligentsia parisienne et Sartre et sa bande et tout ça, où il est excommunié d'une certaine manière et quand même, ça nous donne de l'espoir à nous autres qui venons de banlieue, nous autres qui avons telle couleur de peau, nous autres qui avons tel sexe, etc., etc. C'est qu'à un moment, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'est donné? Et Camus nous dit, la réalité, si on veut lutter contre toute forme de système qui serait injuste, c'est d'être juste envers soi-même, en fait. Et être juste envers soi-même, ça va nous donner la force suffisante pour combattre, d'une certaine manière. Et ça, c'est passionnant. Et c'est en ce sens-là où Camus a été pour moi un tuteur, une colonne vertébrale, tout ce que vous voulez. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire être juste, puisque la notion de justice est très importante pour Camus. Et d'ailleurs, Les Justes, c'est le titre d'une pièce, oui. 1949. Quand on vous invitait à participer à cette émission, on vous a proposé de lire des textes et vous avez proposé notamment cet extrait des Justes de Camus que je vous propose de lire si vous en êtes d'accord. Très bien. Est-ce que vous l'avez? Ah. Sinon, je vous le donne. Il Donnez est le mot. Ah, c'est parce que. Ah, merveilleux. C'est celui d'en dessous. C'est celui d'en dessous. Oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre, mais je me jetterai sous les chevaux. Pourquoi cet extrait en particulier? Parce que tout se joue là. La vie de peut-on sacrifier la vie d'un enfant? Peut-on sacrifier l'innocent parce que notre cause est juste? Racontons-nous l'histoire de la pièce, peut-être. Mais l'histoire de la pièce, voilà. Alors on est en 1905. On a affaire, c'est des jeunes anarchistes qui sont en train de préparer un attentat et l'attentat rate et ensuite ils doivent retourner. On les voit de nouveau organiser cet attentat à nouveau et ensuite ils réussissent. Celui qui a posé la bombe, qui est Yannick Aliaev, se retrouve il ne meurt pas, il se retrouve en prison et il se retrouve face à la grande duchesse, donc la la veuve du grand-duc qu'ils ont assassiné avec dans cet attentat-là. Et ensuite, il est condamné à mort et on a tout le processus. Et c'est vraiment toute une réflexion sur la notion d'engagement, sur la notion de justice et aussi en creux. Puisque c'est une histoire réelle qui s'est passée. Donc c'est Camus écrit ça en 49. L'histoire se passe en 1905. C'est les prémices, on va dire, de ce qui va donner, pour faire simple, ce qui va donner le communisme, etc. derrière. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de dire que en 49, il n'y a pas encore eu les indépendances. Et lorsqu'il y aura les indépendances, tous ces pays, que ce soit le Congo, l'Algérie, en Asie, etc. Tous ces pays vont prendre l'idéologie communiste et d'une certaine manière vont vivre les mêmes travers que ceux que vont vivre finalement ces gens qui au départ sont dans un engagement, on va dire comme ça, positif et petit à petit les choses se délitent et vont donner ce qu'on connaît. Et c'était assez intéressant pour voir aussi le pourrissement d'un idéal. Et pour moi, c'était voilà. Et je trouve que tout se joue là. Est-ce que on a le droit parce que notre cause est juste de sacrifier l'enfant, de sacrifier des innocents. Ce qui est une question qu'on sait beaucoup, qui a beaucoup été soulevée au moment des actes terroristes, justement. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un au nom d'une cause commune? Voilà, est-ce qu'on peut sacrifier un individu, surtout un enfant, pour sauver des milliers d'individus? Et Camus moralement, répond... on peut pas répondre. Qu'est-ce que répond Camus? Camus répond non. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que il y a pas ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui cette ambiguïté sartrienne. On pourrait appeler ça aujourd'hui. Ouais. Mais lui répond clairement non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand je vous ai dit tout à l'heure que Camus était pour moi un tuteur, c'est un tuteur qui m'a permis de pousser droit. C'est-à-dire que il y a des choses où moralement on ne peut pas transiger. On peut pas essayer de négocier, dire oui mais. Il y a pas de oui mais. On ne peut pas sacrifier l'innocent ou l'enfant symbole de l'innocence et de manière générale. Et c'est comme ça que notre combat devient juste. C'est comme ça que notre combat devient fort lorsqu'on est d'une certaine manière du bon côté de l'histoire. Précisément, Camus lui-même tient à se situer du bon côté de l'histoire, qui n'est pas forcément du côté de ceux qui écrivent l'histoire, mais de ceux qui la subissent. Écoutez un autre extrait de Camus, donc le discours de Suède, toujours le 10 décembre 1957. Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est important d'avoir un frère, surtout un grand frère. Ça fait 3 ans qu'il part chaque été au pays. Il aide comme il peut là-bas, c'est la misère. Surtout qu'on a toujours envie de montrer qu'on est bien ici, on entretient le mythe. Hubert, c'est un homme, il leur dit. Vous savez, en France, la misère, ça existe. Mais ils veulent pas le croire. Ils disent, tu veux pas qu'on vienne, c'est ça? Lui, il comprend leur attitude. Il leur dit juste comment ça se passe, quoi. Parce que si on veut changer le monde, c'est de chez soi qu'il faut le faire. Mais au pays, on lui répond, t'es un blanc maintenant. Ça se voit que tu connais pas la misère. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. En fait, c'est mon cousin, mais je dis que c'est mon frère. Parce que dans la cité, quand t'as un grand frère, ça t'évite plein de galères. Surtout quand il est bœuf comme ça. Parce que les mecs en bas, y'a que la force qui respecte. Lui c'est un homme et moi je suis un gosse. Enfin, disons que de plus que moi, il a au moins 3 têtes. Et puis c'est pas tout, moi je déconne et pas lui. Il me fait pas la leçon ou quoi, mais j'ai honte devant lui. Parce qu'avec le physique qu'il a et la crainte qu'il inspire, il pourrait facilement être braqueur, dealer, je sais pas moi, ou voleur à la tire. Mais lui, non. Il est sérieux. Il étudie. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est bien d'avoir un grand frère. À l'aéroport, on l'a vu, un gaillard comme ça, ça se loupe pas, frère. Pourtant, il paraît qu'il a failli louper cet avion. Ce drôle d'avion. Il voudrait faire de grandes choses dans l'avenir. Avoir son diplôme, bosser dur pour tous de la cité nous faire sortir. Mais il l'a pris cet avion. Ce DC-10 du théâtre pour ceux qui aiment les précisions. Celui qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Hubert a pris l'avion, mais il n'est jamais rentré. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est la dernière émission pour nous de cette grille si particulière, hein, qui a été la grille 2019-2020. Mais c'est la première émission qui ouvre un week-end spécial Albert Camus sur France Culture, un festival qui devait se tenir à Lourmarin, qui aura lieu sur votre antenne, chers auditeurs, jusqu'à dimanche soir. Et vous venez d'entendre la chanson « Le Grand Frère », écrite et interprétée par Abdel Malik dans l'album Gibraltar, qui date de 2006. Abdel Malik est avec nous en studio ce matin. Hubert, votre grand frère Hubert, c'est Albert ? Il y a un lien ou pas ? Ce que j'aime bien, c'est d'écrire et puis chacun voit ce qu'il veut. Donc j'aime pas trop donner les explications parce que finalement, ça dirige dans un endroit où voilà, ça sera la personne que vous voulez, en fait. De toute façon, comme on a commencé en disant que Camus était peut-être votre grand frère, on a quelques pistes. Revenons sur le discours de Camus qu'on a entendu juste avant, l'extrait du discours de Suède, dans lequel il disait que la noblesse de son métier tenait en deux points, le refus de mentir sur ce qu'on sait et la résistance à l'oppression. Ouais. Le refus de mentir, vous l'avez dit, à quel point son honnêteté vous avait marqué. La résistance à l'oppression, vous l'interprétez comment ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ben, toutes les formes d'oppression, c'est-à-dire tout ce qui ferait que tout d'un coup, y aurait une sorte de d'injustice, qu'importe l'injustice qui pèserait sur des êtres, en fait. C'est-à-dire des personnes qui auraient ou qui ont un certain pouvoir et qui l'exercent de manière totalement injuste. C'est ça, d'une certaine manière. C'est comme ça que je le vis, moi. C'est comme ça que je l'ai vécu et que je continue à le vivre. Je pense que ce qui est important chez Camus, c'est qu'on a affaire à un homme responsable et qui sait l'impact de toutes les formes de pouvoir et qui veut avoir cette attitude, cette pensée médiane, la fameuse pensée de midi. C'est-à-dire ce truc d'être dans la mesure, en fait. Et pour moi, lutter contre toutes les formes d'oppression, c'est le fait, par exemple, de manifester aux côtés du comité Vérité pour Adama, par exemple. C'est le fait d'être du côté, je sais pas moi, des enseignants de manière générale, des gens des hôpitaux, du service public, enfin des gens, toutes ces personnes-là finalement qui sont tellement importantes au rapport au fonctionnement de notre société et qui finalement ne sont pas estimés, non seulement estimés à leur juste valeur, mais même vivre le sentiment de cette oppression, justement, où on empêche quelque chose, où on empêche cette possibilité d'avancer positivement et puis de faire simplement, pour certains, de faire simplement leur métier. Et je pense que nous autres, nous tous, en tant que citoyens, on a cette responsabilité-là d'être de ce côté-là, d'être du côté des victimes, finalement. Ce que Camus dit, au fond, il parle de l'homme révolté, justement, parce qu'on parle de résistance à l'oppression. Ce qu'est un homme révolté, c'est un homme qui dit non. Ouais. Mais s'il refuse, dit-il, il ne renonce pas. Oui. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Et je voudrais qu'on commente ça, Abdel Malik, parce que c'est très important. Parce qu'une chose est de dire que Camus peut nous encourager à dénoncer les injustices, qu'en tant que citoyen, nous avons certains peut-être devoirs à accomplir, et il est légitime de se battre pour faire en sorte que cette justice puisse être appliquée. Une autre est de comprendre ce que dit Camus quand il précise qu'avant de dire non, l'homme révolté dit oui. Ben oui, c'est ça. À quoi dit-il oui ? Ben, il dit oui à la vie. Il dit oui finalement à la possibilité de l'acceptation de l'autre dans la différence. Il dit oui il dit oui à la mer, il dit oui au soleil, il dit oui à tout ça. Il dit finalement et ce non finalement, c'est un non à toutes les formes de bêtises, c'est un non à toutes les formes d'ignorance, etc. Mais si c'est pas précédé d'un oui, c'est-à-dire finalement d'un mot qui peut-être peut en choquer certains, mais qui est fondamental chez Camus, et malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout pour aller au plus fort de ce mot que je vais dire maintenant, c'est finalement l'amour. Si c'est pas précédé de l'amour. Si c'est pas précédé de l'amour de l'autre, de son semblable, l'amour de l'être humain, de l'humanité de manière générale, etc. Et si c'est pas précédé par ça, eh ben forcément on sera injuste à un moment ou à un autre. Et pour moi fondamentalement, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais pour moi fondamentalement c'est ce qui oppose Sartre et Camus réellement. C'est-à-dire que pour moi Camus c'est Socrate. C'est-à-dire que c'est souvent on dit oui, vous-même vous avez dit parce qu'il se définit plus comme un artiste qu'un intellectuel, mais en réalité Camus c'est Socrate, dans le sens où si on veut comprendre sa philosophie, il faut voir sa vie. En fait, c'est que tout est dans sa vie, et cette cohérence là, cette cohérence qu'il défend, cette cohérence, elle est d'abord dans sa vie, et ça c'est fondamental, parce que sinon on devient une sorte de philosophe à système. Ce qu'est le cas de Sartre. Et on fait des choses qui, petit à petit... Mais il était cohérent en même temps, Sartre, entre ses actes, son engagement politique et ses pensées. Ouais, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que lui, ou il n'y a pas que soi en jeu. C'est son rapport aux autres. Comment les autres vont interpréter sa pensée, et comment eux vont se comporter rapport à cette pensée-là. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la pensée sartrienne et devient criminel, c'est à cause de la pensée initiale, le fait qu'il y a eu une ambiguïté, il y a eu quelque chose qui était difficile à saisir, ou je sais pas, alors que... Mais elle pousse pas au crime non plus. Non, je dis pas ça, mais quand même, il y a des choses qui ont été dites qui sont dures chez Sartre. Notamment rapport à son rapport à la révolution, etc. Et puis il y a des non-dits ou des sortes de déni rapport à ce qui se passait en URSS, etc. Les goulags, etc. Je veux dire, c'est dur quand même. Avec le recul de l'histoire qu'on a aujourd'hui, je me dis c'est incroyable. Et à un moment donné, Camus, il avait l'air d'être seul contre tous. Mais il avait raison. Et Sartre avait tort. Et il faut le dire. Et c'est important, parce que si on se construit avec des figures. Si aujourd'hui on est dans une époque, justement, alors là pour le coup il y a une absence, de mon point de vue, de grandes figures intellectuelles réelles, c'est-à-dire je dirais cette définition c'est Debray, Régis Debray, qui donne cette définition de l'intellectuel, c'est-à-dire un lettré qui a un projet d'influence. Si aujourd'hui il y a une absence de grandes figures qui seraient en phase avec le monde d'aujourd'hui, avec le hip-hop, avec les banlieues, avec tous ceux qui luttent à la marge, etc., et qui seraient capables de faire du lien, fédérer et dire ok, on combat, on avance ensemble, c'est ce nom de l'homme révolté, mais attendez. D'abord, il y a un grand oui. Il y a ce grand oui à la vie, il y a un grand oui rapport au respect de l'humanité, de l'autre, etc., etc., etc. Donc, pour moi, ça, c'est fondamental. Et chez Sartre, c'est plus complexe que ça. Oui, mais alors, on parle, alors peut-être qu'on reviendra sur l'absence d'intellectuels engagés aujourd'hui, on verra si c'est le cas, mais par rapport à, si on revient sur cette définition de l'homme révolté, celui qui dit oui avant de dire non, comment juge-t-on dans les multiples combats qui sont menés aujourd'hui au nom de la justice, le degré de oui, d'affirmation, d'amour? C'est très difficile Pour moi, c'est assez simple. C'est assez simple parce que, d'une certaine manière, les actes parlent plus fort que les mots. C'est-à-dire que c'est le comportement vis-à-vis de son adversaire. C'est-à-dire que si on est prêt, parce que c'est son adversaire, à le piétiner, à le ridiculiser, à être, eh ben, en fait, on n'est pas dans le oui. Vous aurez remarqué que Camus respectait toujours, vous voyez, dans le conflit, enfin, la brouille Sartre-Camus, si on lit les lettres, il faut voir l'attitude qu'avait Camus. C'est toujours, même quand il se retrouve en face de gens qui écrivent des choses horribles sur lui, et ben lui répond toujours avec une forme de respect. Toujours, il y a toujours cette attitude. Et pour moi, c'est ça le grand oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté justement à son opposé, d'une certaine manière, celui qui est contre nous, et ben comment on se comporte vis-à-vis de lui. Et pour moi, si on est prêt à toutes les horreurs rapport à son ennemi, j'ai envie de dire, ou en tout cas à celui qui n'est pas d'accord avec nous. Eh ben, en réalité, on n'est pas dans le grand oui, on est dans le non, alors ça, c'est sûr, mais... Oui, ce qui pose un problème à l'échelle collective. Parce qu'à l'échelle individuelle, on peut arriver à obtenir les bonnes conditions d'un débat respectueux. À l'échelle collective, quand tout le monde se bat pour la même cause, eh ben, on peut pas cautionner les actions de chacun des individus qui composent le même mouvement. Non, mais c'est pas question de cautionner, parce que là, regardez, vous allez dire à l'échelle collective, mais ça commence toujours avec l'individu. Justement. Donc, j'ai envie de dire, l'individu devient modèle et référent. Et selon son attitude, le collectif se comportera rapport. Vous savez, il y a souvent, on dit cette phrase, on a les politiques qu'on mérite, mais c'est vrai. Je veux dire que si les gens, le politique, ou en tout cas celui qui est le leader ou le responsable ou le référent, ment, est violent, se bat à l'Assemblée nationale, insulte, etc. Mais vous croyez que le collectif, il va être comment? Lui, il va être respectueux, mais il sera pareil et pire, puisqu'au niveau collectif, vous savez, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais vous voyez bien comment ça se joue au niveau collectif. Donc, tout part de l'individu. C'est-à-dire, faut jamais oublier que, il y a le collectif, il y a la communauté, mais ça n'a de sens, j'ai envie de dire, positif que contrebalancé par l'individu. Et par le fait de le comportement individuel, j'ai envie de dire. Et ce qui est vrai ensuite pour une personne devient vrai pour une deuxième, une troisième et pour nous tous dans le collectif. Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Ils ont laissé mourir mon frère sur le bitume de cette gendarmerie. Moi aussi j'ai déjà subi de violences policières. À 15 ans, ils m'ont fait une clé de bras, ils ont essayé de m'étouffer. À 15 ans, sans savoir pourquoi, au faciès, vous voyez ou pas? Donc non, c'est de l'abus de pouvoir. C'est déjà arrivé pour moi, déjà le contrôle au faciès, c'est déjà une preuve de racisme. Et on peut plus, ça peut plus durer quoi. On se fait contrôler parce qu'on est noir à cause de notre couleur de peau, voilà, c'est juste, c'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, la police devrait faire une preuve de responsabilité. Ce sont les personnes non blanches, majoritairement les noirs, les arabes, les personnes non blanches qui meurent. Vous étiez Abdel Malik hein, le mardi 2 juin aux côtés de milliers de personnes devant le tribunal de grande instance de Paris pour que justice soit faite pour Adama Traoré. Et il ne fait aucun doute pour vous que Camus aurait participé à cette manifestation. C'est évident. Camus, il aurait été à nos côtés, évidemment. Ben, tout simplement parce que c'est fondamental rapport à son propre combat, cette idée de lutter contre toutes les formes d'injustice, la lutte contre la peine de mort... Le fait d'être du côté des victimes, etc., etc. Donc forcément, Camus aurait été là, oui. Comme il a été, j'ai envie de dire, sa pensée libertaire, enfin, tout ce qu'on connaît rapport à l'Espagne, etc., et puis tout ce qu'on connaît de son engagement, il aurait été forcément là, oui. Parce qu'il tient, on associe Camus à une position universaliste, qui essaierait de dépasser ce qu'on appellerait aujourd'hui le communautarisme, justement, pour essayer de montrer, c'est ce que vous dites depuis le début, que ce que c'est qu'être un homme, eh bien, c'est quelque chose que nous partageons de manière universelle. Alors, c'est difficile de voir comment cette analyse-là et sa grille de lecture peut s'appliquer à une situation actuelle qui est au contraire très exacerbée par des revendications qui peuvent être soit identitaires, soit communautaires. Ouais, parce que c'est le résultat de quelque chose. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé... à ce rapport, j'ai envie de dire, ce glissement dans des visions qui peuvent être communautaristes ou sectaires, ou enfin tout ce qu'on veut. C'est tout simplement, encore une fois, tout part du modèle et du référent. C'est-à-dire que si on ne magnifie pas de la bonne manière l'esprit républicain, la notion de laïcité, qu'est-ce que signifie liberté, égalité, fraternité sur le fronton de nos lieux publics, etc. Concrètement, si à l'Assemblée nationale, on ne voit pas toutes les couleurs, c'est-à-dire représentatives finalement de ce qu'est la seule communauté in fine qui compte quand on est dans cet esprit républicain, à savoir la communauté nationale, si on ne le voit pas, forcément, à un moment donné, la nature est en horreur du vide, les gens essayent de se construire, se mettent en communauté, etc. et font avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, j'ai envie de dire aussi, rapport à leur intelligence. Je veux dire, on n'a pas tous le même bagage d'un point de vue intellectuel, et puis rapport aussi à d'autres qui peuvent avoir même des problèmes psychiatriques, etc., etc. C'est un tout. Et on peut pas aujourd'hui critiquer, comment dire, on peut pas critiquer le monstre alors qu'on a fait que nourrir ce monstre pendant, je sais pas, 30, 40, 50 ans. Et c'est ça, en fait. Et encore une fois, on en revient à Camus, c'est une question de cohérence. Si on est cohérent, ce qui va en sortir sera positif. Si on est incohérent, il faut pas attendre de l'incohérence qu'il y ait de la cohérence qui sorte. Et c'est ça, en fait. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit dire? Se dire, ok, se remettre en question. Et dire, finalement, est-ce que cet esprit républicain, est-ce que c'est vraiment appliqué? Est-ce qu'on parle de justice, mais est-ce que la justice est vraiment appliquée? Etc., etc. Et c'est là qu'on, non seulement on aura des réponses, mais on aura des solutions, réellement. Et pour moi, pour avoir ces réponses et ces solutions, il faut revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est revenir à ce qu'est fondamentalement l'esprit républicain, la notion de justice, etc. Et se remettre en question. Réellement. Le problème étant que la justice républicaine n'est pas forcément la même que celle qu'on peut ressentir au fond de soi. Le besoin de justice individuelle n'est pas forcément synonyme de la justice républicaine. Oh, vous savez, lorsque Adama Traoré donc est mort, si tout de suite on avait mis les choses en place, c'est-à-dire l'instruction, enfin les choses se seraient faites dans l'ordre tout de suite, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et Adama Traoré, c'est un symbole en réalité, c'est-à-dire ça représente, pour moi, ce qu'elle fait à ça Traoré, pour moi, c'est, elle se bat pour nous tous, pour vous, pour moi, pour nous tous en réalité, parce que elle remet, comment dire, elle questionne ce modèle, notre modèle, ce modèle partout on le vante, etc. Elle dit ok, voilà le modèle, Et voilà ce que dit le modèle. Le modèle républicain dans l'idéal. Et voilà ce qui se passe dans le réel. Donc, vous voyez, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est ça. Et pour moi, et je lui ai dit, et je le dis à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est, elle se bat pour la France, pour l'Europe. Et encore une fois, c'est là où ça se joue. Pour moi, la République se suffit à elle-même. Elle a besoin de rien d'autre. Ce système est parfait, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, l'être humain, lui, n'est pas parfait. Donc, trouver cet équilibre entre un système qui, en tout cas sur le papier, ou en tout cas sur une certaine partie de la communauté nationale, ça fonctionne, et puis sur une autre partie, ça fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas? Et c'est à ce moment-là, et on va peut-être, vous voulez aborder ce sujet, c'est à ce moment-là où on a besoin de grands intellectuels, de gens qui nous rendent lisibles, qui décryptent, qui nous donnent des solutions, des clés. Ce qu'ont pu faire justement des gens comme Camus et Sartre et tous ces gens-là. Et ensuite les Deleuze, les Derrida, les Foucault, enfin tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, en fait, il y a qui? C'est qui? Il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il y avait pas beaucoup de philosophes. Je voulais juste dire qu'ils ne comprennent pas la pop culture. Ils ont pas réussi en fait à faire en sorte que mon petit frère dans la cité, Deleuze c'était une rockstar. C'est-à-dire c'est Deleuze c'était un grand rappeur. C'était un gars hyper important. Tout le monde venait. Mais c'est qui le Deleuze d'aujourd'hui? Quel b-boy ou b-girl? Ou quelqu'un ces gens qui sont dans la culture hip-hop, quel intellectuel ils ont envie d'aller voir comme ils iraient voir Jay-Z ou comme ils iraient voir un rappeur? Aucun. Peut-être qu'on le saura dans 20 ans. Deleuze n'avait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui à l'époque où il était vivant. Non, mais vous vous souvenez bien, quand on a qu'à... Ah. J'invite tout le monde à aller sur Internet et voir, à Vincennes, les gens qui allaient le voir. C'était des jeunes, des gens qui étaient autour de lui. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Deleuze, ça devait être... Je crois que c'était en 94. En tout cas, c'était ma première année à l'université. On avait une enseignante. Elle arrive. Elle était jeune. Elle arrive. Elle nous dit Deleuze est mort. Et elle pleure. Je veux dire, elle était jeune. Elle avait pas 30 ans. Et ça m'avait marqué. Et ensuite, quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que Deleuze, en fait, c'était une rockstar. Et pareil pour Camus. Moi, je suis très proche. Je considère que c'est ma marraine dans le métier avec Juliette Gréco. Juliette, quand elle me parle de Camus, elle dit Camus, pour ma génération, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, c'était un héros absolu. C'était un beau gosse, il était stylé, il était beau, il dansait bien. Et en même temps, c'est un intellectuel, voilà. Mais c'est qui aujourd'hui? Vous m'avez dit, il y a beaucoup d'intellectuels, mais est-ce que ces intellectuels, par exemple, pourraient me parler de Griselda? Si je leur dis Griselda et le courant hip-hop, le renouveau du hip-hop à New York, est-ce qu'ils pourraient me parler de ça? Alors que Camus pouvait vous parler de jazz, pouvait vous parler de Duke Ellington. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Quand je dis qu'il n'y a pas d'intellectuels, c'est ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont capables de parler de tous. Et à tous. Comme le disait Camus. Comme le disait. C'est son souhait le plus cher. C'est ça. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et comment vous l'expliquez? Ben, parce qu'il y a une rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, gens des banlieues, gens de la périphérie, on a peut-être un intérêt, je sais pas, moi, sociologique, peut-être, hein, comme ça, mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à nous, à ce qu'on écoute, pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi on pense comme ça, quelle est notre histoire, l'histoire de nos parents, concrètement, hors de toute étude, j'ai envie de dire, mais juste dans la vie? Et pourquoi Camus était comme ça? Mais tout simplement parce qu'il venait de là. Et comme il vient de là, d'une certaine manière, il donne le là aux autres intellectuels qui vont venir, qui ne viennent pas de là. Mais parce qu'il y a Camus, ceux qui allaient venir après, parce qu'il y a eu Camus. Et tout d'un coup, vous savez, quand on a voulu le dénigrer en disant philosophe de lycée ou ce genre de choses. Pour classe terminale. Mais j'ai envie c'est de dire. C'est un compliment, hein. C'est pour moi, mais c'est un compliment, mais c'est fabuleux. Et vous vous rendez compte, il a pu, d'une certaine manière, la génération d'intellectuels qu'il a formé, justement. Ces gens qui, au moment où on se pose des questions fondamentales, lorsqu'on est en terminale, en première, en seconde, qu'importe, eh ben, Camus apparaît. Mais c'est fabuleux. Quel chemin il nous montre. Est-ce que le problème, c'est que ces intellectuels dont vous parlez ne sont pas là, ou c'est parce qu'on ne les entend pas assez? Parce qu'il me semble, mais vraiment qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de philosophes qui travaillent sur les questions que vous citez, qui sont très curieux, qui s'intéressent à beaucoup de choses. Tous les jours, à ce micro des philosophes qui nous font part de leurs travaux, qui sont surprenants, qui sont vraiment en phase avec l'époque contemporaine. Et ces philosophes-là sont en effet très peu connus. Est-ce que le problème, c'est qu'ils n'existent pas ou qu'on ne leur donne pas plus la parole? Les deux. Si on ne donne pas la parole, moi, on ne m'a pas donné la parole, je suis allé la prendre. Je n'ai pas attendu qu'on me donne la parole, on ne me l'aurait jamais donné de toute façon. Vous l'avez prise comment? En chantant? en chantant, en disant voilà, moi j'ai quelque chose à dire, etc. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux quand je suis arrivé. Aujourd'hui encore, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. On peut faire des. Donc faut l'apprendre, vous dites. Faut l'apprendre. Et donc ces intellectuels-là, pour moi, ils sont, c'est pas leur démarche. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas pertinent dans leur démarche. Et ce que j'appelle. Parce qu'ils parlent pas au plus grand nombre. Non. Mais après, on peut parler. Non, parce qu'ils ne se mettent pas en position pour parler au plus grand nombre. C'est ça. Et c'est pas, je pense qu'ils ont envie de parler au plus grand nombre. Mais moi, j'ai envie de les voir justement à la manifestation avec Assa Traoré. J'ai envie de les voir là. J'ai envie de les voir quand nous on se réunit entre amis, acteurs, rappeurs, etc. Venant du même milieu socioculturel et on dit voilà, à tel endroit on est bloqué, ça passe pas pour nous, etc. Lorsque on allume le service public et on voit une sorte d'homogénéité comme ça et nous on fait pas partie, on a l'impression de pas faire partie de ce monde. Ou quand on fait partie de ce monde, c'est où on est des dealers, où on est des etc. Enfin, toujours des choses clichés, etc. Moi, j'ai envie de les entendre là. J'ai envie qu'ils viennent, disent ok. Et vous les invitez ? Vous leur dites de venir ? Mais le fait d'être là, c'est une invitation. Le fait de m'entendre, c'est une invitation. Ce que je suis en train de dire, ce que je développe depuis 15 ans, 20 ans, c'est une invitation. Mais ils ne sont pas là. Et ils ne sont pas là aussi parce que eux-mêmes sont prisonniers de leur, j'ai envie de dire, de leur communauté à eux, de leur milieu à eux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'étude est là, mais il n'y a pas que l'étude. Il y a le fait de prendre un café, un thé, discuter, parler. Je veux dire... Camus, il s'est retrouvé avec, j'ai envie de dire, dans à un moment donné, lorsqu'il était proche de Sartre, il y avait tous ces gens avec eux. Il y avait Picasso, il y avait Beauvoir, ils étaient tous là, ils discutaient, ils se retrouvaient, je sais pas moi, à la Rotonde, à Saint-Germain-des-Prés, qu'importe, ils étaient là, ils discutaient. Et moi, le seul endroit où j'ai vu ça, où il y a cette émulation, où on discute, où on se voit, c'est les gens du hip-hop. Quand j'ai commencé ici et encore aujourd'hui, on se réunit, on parle, on dit des choses importantes, mais il y a personne, il y a personne qui sera capable d'entendre ça et de relayer de la bonne manière. Après, quand des gens se réunissent comme ça, après il y a des raccourcis, on va parler de communautarisme, de telles choses, etc. Alors que pas du tout, c'est juste des gens qui ont envie de faire partie du pays qu'ils aiment, du continent qu'ils aiment, à savoir la France et l'Europe. Ils ont envie de participer, mais ils sont pas là. Quand on regarde l'Assemblée nationale. Quand on regarde, je sais pas moi, j'ai fait partie de, comme j'ai grandi à Strasbourg, j'ai fait partie du Conseil européen de la jeunesse. Mais au Conseil européen, où on est, je veux dire, on existe à un moment donné. On Mais c'est qui là, on, les gens de la cité? Les autres, ceux qui sont différents du je sais pas moi du classique, c'est-à-dire l'homme blanc d'un certain âge, etc. On n'existe pas là. Et le problème, c'est qu'on peut pas grandir si on se voit pas. D'une certaine manière. Et se voir, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste une couleur de peau, une image, mais c'est aussi une manière de penser. Moi, je veux dire, Camus et moi, en termes de ressemblance, c'est une dissemblance. Bon, mais on se ressemble fondamentalement. On se ressemble dans ce rapport de fraternité, de combat, d'esthétique, etc., etc. Et c'est ça qui manque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, et on a besoin d'intellectuels pour ça. On a besoin, à un moment donné, de gens qui ont une rigueur, même une rigueur académique, qui sont capables de mettre ça en lien avec le monde d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui. Et il y en a pas. Je suis désolé. Il y a peut-être des gens qui font des travaux fabuleux, mais citez-moi-en un qu'on connaîtrait tous. Si on a parlé de Deleuze tout à l'heure, mais si on revient à l'époque de Deleuze, quand on disait son nom, dans le contexte, dans l'époque, les gens savaient qui c'était. Et aujourd'hui, on ne sait pas, puisque forcément, on vit dans un monde où tout est vers le bas, tout est nivelé vers le bas. Ou alors, il y en a plus. Ou alors, c'est simplement qu'à l'époque, il y en avait très peu, et donc tout se cristallisait autour de Deleuze, Foucault, dont la notoriété a été beaucoup amplifiée avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas deux ou trois personnes, c'est 15, 20 personnes, on connaît moins leur nom parce qu'ils sont plus nombreux. Ouais, mais ça revient au même. Je veux dire, à un moment donné, pour se construire, on a besoin d'un référent, de quelqu'un. On nous sort, on nous dit oui. Le temps de celle ou de celui qui va venir nous sauver, passer, etc. Mais on a besoin d'un référent, on a besoin d'un visage, on a besoin de voir quelqu'un. Je veux dire, on se construit pas dans le vide, on a besoin d'un héros ou d'une héroïne, et sinon ça fonctionne pas. Donc, si on a beaucoup aujourd'hui, j'ai envie de dire, un seul de l'époque les battait tous. Et c'est triste. Et ben justement, pour cette fin d'émission, Abdel Malik, qui est aussi la fin de la grille pour nous, je vous propose d'écouter deux ou trois minutes d'intervention des philosophes à ce micro tout au long de l'année. On a essayé de saisir quelques phrases et de voir, de donner un peu l'ambiance comme ça qui a pu avoir lieu dans ce studio avec des choses plus humoristiques et des choses plus sérieuses. C'est un mix réalisé par Thomas Beau. Si on ne fait rien, si on est passif, le malheur arrive. Le bonheur, il faut le fabriquer, il faut le chercher, il faut le construire. Il faut quelque part se jeter corps et âme dans ce message universel et humain, et en même temps, on se rend compte que d'un point de vue instrumental, le moindre faux pas peut tout ruiner. L'amitié danse autour du monde, n'est-ce pas? L'amitié, c'est la façon d'être avec. Un vrai plaisir. Dans la justice, dans la réciprocité. Et dans cette espèce de conviction radicale que le plaisir, c'est le bien. Donc nous prenons un vrai plaisir à manier des concepts en raccourci. Et d'ailleurs, si on se met à trop réfléchir, on est hors propos quelque part. Bien, aujourd'hui, les plaisirs... Vrai plaisir. Et la production des plaisirs est au centre des technologies de contrôle. Alors, comment j'ai pensé à ça? Ne croyez pas que l'âme va être tranquille pendant que le corps se tord de douleur. Les détours ne sont jamais... Bien sûr, il faut choisir les bons détours, mais ne sont jamais un moyen d'esquiver la question, mais peut-être de savoir l'élaborer, la poser plus adéquatement. Il y a une... comment dire? J'ai un trou. Alors ça, c'est une question très tragique, parce que je n'écoute jamais la radio. Eh bien, la philosophie, jusqu'à ses manifestations les plus raffinées... Finalement, c'est la drogue qui me semble la plus désirable. Le tout est un... Le tout est multiple. L'univers a été créé par un monstre fait de pâtes, de spaghettis et de boulettes de viande qui aurait créé l'univers en 3 jours après une orgie de bière et puis se serait reposé les 3 jours suivants. Forcément, le résultat n'est pas manifeste. Effectivement, ça fuse comme des balles de ping-pong. Dans un au-delà. Un vrai plaisir. Ils sont dans un au-delà au sens où... Il n'y a jamais de degré zéro du vivant. Le caillou est du vivant. Également. Donc, on va chercher une certaine inspiration dans un au-delà pour ensuite pouvoir tenir un discours à destination de tous les hommes. Le problème, c'est pas tant ce que le texte dit, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on lui a fait dire. Donc, c'est une puissance cosmique, c'est même pas psychologique. Alors après, on peut mettre du symbole si l'on veut, mais je crois qu'il faut d'abord regarder cela. Le fait que la philosophie échoue, encore une fois, c'est ce que j'appelle le tragique, ça n'est pas une raison pour renoncer à la philosophie. Oui, enfin, en tout cas, c'est une maladie mentale, ça c'est sûr. Ou un instinct de vie très fort. Mais je la travaille. Et je suis en paix avec moi-même en considérant que je ne suis pas philosophe. Et vous venez d'entendre tour à tour et dans le désordre Cécile Guilbert, Bruno Latour, Boris Cyrulnik, Julien Libert, Julia Sissa, Ali Ben Maclouf, Paul Preciado, André Comte-Sponville, Michael Fessel, Heinz Wissmann, François de Smet, Marc Balanfa, Souleymane Bachardian, Delphine Horviller, Agnès Piquel, Emmanuel Ecoccia. Ils étaient bien plus nombreux évidemment à défiler à ce micro au cours de cette année. On les retrouvera dès la saison prochaine, dès le 24 août pour les prochaines émissions. Ils existent, Abdelmalik, ouais. Je vous assure. En revanche, j'espère qu'ils vous écoutent aussi et j'espère que les liens pourront se créer, pourquoi pas grâce à cette émission. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, vraiment. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin nous parler de Camus, merci de m'avoir de votre travail et j'espère qu'on poursuivra cette discussion j'espère également, à ce micro ou ailleurs. Merci beaucoup sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui est assise à côté de moi en studio. C'est la première fois depuis des semaines, je suis assez émue. Moi bonjour aussi. Géraldine, c'est l'heure de votre journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Alors, rebonjour, Adèle. Moi aussi, je suis assez émue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voilà, c'est le dernier journal pour cette saison. On y est, c'est la fin. Et je vais essayer de vous dire au revoir. Alors pour cette dernière chronique de la saison, je me suis beaucoup demandé ce que j'allais pouvoir faire. Rappeler à quel point cette saison était spéciale, ou faire comme si de rien n'était, faire un bilan avec ses ratés et ses bons moments, ou alors sur vos conseils, Adèle, hier, écrire un billet sur Albert Camus que j'aime beaucoup moins que tout le monde dans ce studio. Mais non, je n'allais pas tenir le coup. J'ai aussi pensé à carrément réécrire une chronique qui me semblait vraiment pas bonne dans l'année. J'ai imaginé être grandiloquente, comme si j'arrivais à tirer, moi seule, une leçon originale de cette crise, ou alors improviser, mais je ne sais pas faire, ou encore évoquer ce paradoxe d'être là, de retour dans ce studio pour 5 minutes, pour repartir en fait encore quelques semaines. Bref, j'ai été confrontée pour cette dernière à une chose qui m'arrive régulièrement, me demander de quoi j'allais bien pouvoir parler. Qu'est-ce qui, cette fois-ci, m'avait interpellée, étonnée, agacée ou enchantée avec cette difficulté qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière et que quand c'est la fin, on se sent toujours obligé de marquer le coup, de clore quelque chose, d'aucuns diront de mettre un point ou refermer la parenthèse. Mais voilà. Que dire quand ce n'est qu'un au revoir, qu'on sait que tout continue, que rien n'est fini, rien achevé et que oui, nous allons nous revoir. T'es chouette! Drôlement chouette! Bon, on va pas chialer, ben ça y est, elle chiale! Oh bah c'est plus fort que moi, je me fais avoir chaque fois. Pas de sensiblerie, on est des hommes ou quoi? Ouais. Quand le bilan est impossible, quand cette saison, quel que soit son degré d'extraordinaire, n'a pas changé, en tout cas peut-être pas encore, et du moins pas profondément, la face du monde, ce qu'a dit Platon dans La République pour sur ce studio ce 26 juin. Comment se dire au revoir et que mettre dans cet au revoir qui marque le coup, qui annonce la pause, sans non plus en faire des tonnes comme si tout allait s'arrêter et changer? C'est une question, et voilà donc comment j'ai trouvé le sujet de cette dernière chronique que je me pose. Alors pas régulièrement, pas à chaque fois que je sors d'un commerce par exemple, mais que je me suis posée il y a quelques jours, après avoir déjeuné avec une personne qui m'est très chère. Au moment de nous séparer, j'ai commencé à dire « Bon bah, c'était bien de se... » Quand elle est partie en s'en tenant à un simple « au revoir ». J'allais dire « c'était bien de se voir, ça m'a fait vraiment plaisir ». Mais le temps que je pense à ce que je disais de sincère pour agrémenter un trop simple « au revoir », cette personne, elle, n'avait pas eu le même dilemme évoqué déjà ailleurs. On peut appeler ça « se prendre un vent ». Je me suis retrouvée seule sur ce trottoir et je me suis demandé pourquoi tout à coup, moi, ça m'avait tant tenu à cœur d'en dire plus. Car quand on y pense, les « au revoir » ne sont pas tristes, ils sont rassurants. Ils ne finissent rien, bien au contraire, ils sont même des gages, la promesse de se retrouver. Alors pourquoi avais-je voulu en faire un moment? En profiter pour dire quelque chose de plus, de mieux, de plus sincère? Un au revoir ne se suffit-il vraiment pas à lui-même? Pourquoi devrais-je alors faire de ce dernier journal de la saison un moment spécial, un moment détendu ou solennel, drôle ou sérieux? Sur internet, on trouve une foule de liens pour trouver la bonne formule pour dire par exemple merci, pour saluer, se présenter, faire part, etc. Ces sites sont utiles, mais ils ont quelque chose d'odieux. Ils sont dénués de substance humaine. Et c'est là où je comprends tout mon problème de cet au revoir. Un au revoir, c'est déjà mieux qu'une formule lisse. Il contient effectivement la promesse de se revoir. Mais est-il suffisant pour dire tout ce qu'on a partagé avant? Pour dire combien c'était bien d'avoir vécu ça ensemble? Pour exprimer une forme de reconnaissance à l'égard du passé partagé? Pour signifier à quel point c'était un bon moment? Un au revoir est certes une promesse, mais il lui manque cette toute petite étincelle de reconnaissance, ce clin d'œil à un passé commun. Alors ici, je peux le dire, c'était vraiment bien d'être là cette année. Au revoir. Oh, Géraldine, vous allez tous nous faire pleurer. Oui, je suis émue. On va se retrouver, on se retrouve le 24 août, avec grand plaisir, évidemment. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a accompagnée cette année. Et quelle année, entre les semaines des mouvements de grève, entre les semaines du confinement, c'était une semaine très particulière. Et je dois dire que c'est dans ces moments-là, dans ces moments de crise, qu'on mesure la qualité d'une équipe. Et bien la nôtre a tenu bon. Et je remercie chacun de ses membres pour sa présence, son aide et sa fidélité. Isis Jourda, Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Jules Barbier, Géraldine Mossa-Savoie bien sûr, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger qui réalisent cette émission. C'était Alex Dang aujourd'hui à la technique. Je remercie encore une fois le CDM de Radio France qui a permis de continuer les émissions quand on était confinés depuis chez nous. C'est grâce à eux que les émissions ont continué ainsi, même si aujourd'hui on est en studio. Abdelmalik, je vous remercie, c'était super de finir cette année avec vous. Et j'en profite pour annoncer qu'on vous retrouve demain, samedi 27 juin, à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à 17h, je crois, pour une lecture de L'Envers et l'Endroit. De L'Envers et l'Endroit, exactement, une lecture musicale de L'Envers et l'Endroit. Qui sera diffusée sur France Culture. On a donc dans le cadre du festival Estival Albert Camus, qui commence maintenant et qui continue jusqu'à dimanche soir. Nous, on se retrouve lundi, ce sera une série de rediffusions sur la spiritualité, Spiritualité Etula, et on parlera de Bergson, de l'Inde, du chamanisme et du soufisme.